On dirait je suis reggae, je suis hindi, je suis gbahé, je suis rock, je suis funk, je suis un peu de tout, right? On est très fiers de la prestation de l'équipe marocaine de football pendant la Coupe du Monde 86. Ouais. Et en 82, c'était l'Algérie qui nous a fait une bonne prestation. Et peut-être que la prochaine, la Tunisie se distinguera. Et puis c'est comme ça que ça se fabrique, le grand Maghreb. Mazel Marietouche. Cette génération. Yeah.